Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Rocky. On reçoit Stéphanie Gagnier qui vient nous faire sa chronique Ton plat favori. Ton plat favori. Et une capsule inédite de Fidon là dans la question à Assemblage Rocky tout de suite. Ce que j'aime, c'est comment ça paraît pas quand on change de place, de console et de co-animateur. Ça paraît pas du tout. Je trouve. Du tout. Je trouve qu'il n'y a pas un petit délai au niveau de notre réaction. De ce qu'on dit et tout. Vraiment pas. Du tout. C'est que ce n'est qu'une illusion, tout ça. Eh bien, bonjour et bienvenue à l'émission... Assemblage Rocky, c'est elle. Assemblage Rocky. Ah, je l'ai. Ouais. Félicitations. Aujourd'hui à l'émission, on va avoir comme toujours, comme tous les jeudis, en fait, Stéphanie Gagnier avec une chronique tout à fait surprenante parce qu'elle nous dit pas son sujet à l'avance et nous, on aime ça, avoir un petit indice à vous donner. Des fois, on en a, des fois, on n'en a pas. Peut-être qu'on va en avoir un d'ici la fin de l'émission. On sait pas du tout ce qui s'en vient. C'est comme une énigme enveloppée dans une devinette. Moi, j'ai entendu parler de Los Campesinos, mais je sais pas si ça va faire partie de sa chronique, par contre. Ah, c'est vrai, elle nous demandait si on va être au spectacle de Los Campesinos. Elle va y être, je crois. Oui, je crois bien. Aussi, on va avoir une capsule de vidéo à droite à question qui date, en fait, qui date pas... Je vous explique le concept un peu, là. C'est c'est un extrait de spectacle dans les Jam Débiles de ma tante Frac. Tu te rappelles les Jam Débiles de ma tante Frac? Oui. Il y avait un épisode avec Vidéo à droite à question en performance et c'est ça qu'on va entendre d'ici la fin de l'émission dans une capsule inédite. Si je me trompe pas, on parle de Mathieu Plante dans cette chronique-là. Est-ce que ça se peut? Potentiellement, oui. Potentiellement. Ben parfait, c'est ça le programme pour l'émission aujourd'hui, mais on va commencer tout de suite avec une pièce de Winter Myth qui a été sur le palmarès il y a très très très longtemps. On écoute En avion de Winter Myth à Assemblage Rocky. Je me rappelle dans ce temps-là, je perdais mes mitaines, c'était 2 ans je pense. Quand t'étais jeune. C'est ça. Bon vieux temps. New York et Paris. Entendre le groupe Whoop Zoo avec la pièce qui porte le nom de Sun Shower Clean. C'est une découverte qu'on vient de faire. C'est vraiment la première fois qu'on joue ça ici. C'est la première fois qu'on en entend du Whoop Zoo. C'est un groupe de Guelph en Ontario et c'est vraiment très bon. Ben oui, tout à fait. Ça, il va falloir que ça rejoue. Des affaires la même qu'on arrête de jouer à un moment donné puis qu'il faudrait que ça joue plus. Moi, c'est ça. C'est nouveau. Si on arrête d'en jouer, ce sera pas comme si ça faisait longtemps qu'on en jouait, mais bon, quand même. Avant ça, c'était For Those About to Love. Avec la pièce Good versus Evil. Vous êtes toujours à l'émission Assemblage Requis, en compagnie de Kiwan et Mathieu. C'est nous! Allô! Et bientôt, on va avoir une capsule de Vidon-la-don la question à vous présenter. Oui, avec en fait des performances musicales chantées de tounes a cappella de Vidon-la-don la question dans la prochaine capsule qui aura lieu tout à l'heure. Aussi plus tard dans l'émission, on va avoir une chronique, c'est un fait, donc on va parler de choses qui sont véridiques, véritables et vérifiables. Dans l'émission d'aujourd'hui. Et Stéphanie Gagné qui va être là. Donc, grosse émission à venir d'ici la fin, tu trouves pas, toi? Ben oui. C'est pas trop gros, peut-être? Toujours le fun, le jeudi, hein? Ben oui. Mm. C'est la meilleure journée, au moins dans le top 4 des meilleures journées de la semaine, je dirais. Au moins. C'est ça. Hey, pour tout de suite, on va retourner en musique avec Polype qui était sur le palmarès francophone de C'est fou cette semaine avec la pièce Presse Citron, je crois. On va plutôt aller écouter la pièce Funny. Et Polype sont en spectacle à Victoriaville ce soir, c'est au Vieux-Saint-Pierre. Et c'est toujours en compagnie de Barton Fink. Ils font beaucoup de spectacles, font comme leur tournée au complet avec Barton Fink. Je pense que les deux groupes s'entendent bien. Ça donne un bon spectacle, donc c'est du côté de Victoriaville ce soir. On écoute la pièce Funny, qui sont venus interpréter d'ailleurs dans l'émission La Dernière Porte à Gauche la semaine dernière, il y a deux semaines, je crois. Ouais. Faites une version acoustique de Funny. On va écouter, nous, la version album de Funny de Polype à Assemblage Requis. Focus on the death that was never there. Eliminate. Jusqu'à 17h. Assemblage, Rocky, Kiwan, Mathieu, sur C'est fou, 89.1. Ainsi que mes matériaux, mon yabre et ma basson et forfait dans la maison. Pour 10 brevets de fèche, j'ai vu du papier et de boisson. J'ai bâti mon ordinateur ainsi que mon bureau, mon Kodak numérique et puis mon Fido. Un jeune étudiant qui avait beaucoup d'argent, un boursier, un petit plat cultivé dans son appartement. J'ai bâti mon pick-up, mon garage et ma régine, mon skidder, ma chargeuse ainsi que ma pépine. À un gars de la Turquie pour se lisser nos bois. Pour un billet d'avion, j'allais boire du rhum à Cuba. Pour boire, il faut vendre. Pour boire, il faut vendre. Pour boire, il faut vendre. l'ampleur. À cause de la maudite boisson, j'ai plus pas toute allure. Mon malamite, mes husky, c'est mon traîneau. Mon foulard, mes mitaines, mon canuc et mon capot. Un petit esquimau qui avait frette au cœur l'eau. Pour un caratance de jean, je suis allé me chauffer dans le métro. Je vais sous ma soupe de chasse, mes fusils puis mes couteaux. Un bonhomme de roi qui parle la langue des orignaux. Deux fesses mettre de charge, t'accompagne et là ça cache. Du caribou de la mousse, elle a manqué notre gibier. Je vais ma chaloupe ainsi que mon argot. Mon quatre mon ski doux ainsi que mes trois chevaux. À la gare du village, à un monsieur de Saint-Tech. Pour une belle grosse palette, il me restera à mes raquettes. Je vais mon Winnebago ainsi que mon bateau. Mon chaland, mon condo ainsi que tout. Un échange d'affaires qui ne parle pas français. Pour un cargaison de boisson, je n'aurai plus de tracas. J'ai pogné ma femme au lit avec un gars du bureau. Un beau blanc frisé qui demeurait sous plateau. Mon boss me met à la porte, mais j'arrive à toujours sous. À tous les premiers du mois, je bois jusqu'au dernier sou. Toujours à l'émission Assemblage requis en compagnie de Kiwan et Mathieu. Et ce qu'on vient d'entendre, c'est la pièce « Pour boire, il faut vendre » qui est une pièce du folklore québécois, mais qui est reprise ici par l'artiste de Trois-Rivières, Lou Blanc, un artiste hip-hop que vous connaissez peut-être pas. Nous, Mathieu, on s'en un peu ignore c'est aujourd'hui, vrai. Mais on connaissait pas Lou Blanc et on découvre ça et c'est vraiment super intéressant. Mm-hmm. Et on a justement l'artiste Lou Blanc qui est ici avec nous. Salut. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Hey, justement, étant donné que là, on trouvait qu'on ne connaissait pas étonnamment le projet, est-ce que tu peux nous parler un peu de Lou Blanc? Combien de temps ça fait que ça existe? Et puis, qu'est-ce que tu as fait un peu dans le passé depuis jusqu'à aujourd'hui, en fait? OK. Moi, je te dirais, ça fait depuis à peu près 2001 que je suis pas mal sérieux dans le domaine, que j'ai orienté mon concept de faire du rap en mélangeant un peu notre folklore, dont des instruments traditionnels comme l'accordéon ou le djembé, que je mets au travers mes trames sonores, puis j'en joue sur stage aussi dans mes spectacles. J'essaie de rendre une autre couleur au hip-hop qu'on n'est pas habitué d'entendre. OK. T'as un album qui est sorti récemment, le plus récent, qui s'appelle... Il a misère à prononcer. Hein? Ouais, c'est ça. Ça se prononce Kodakina. Kodakina, c'est OK. C'est un mot amérindien, Benaki, qui veut dire « notre monde à nous autres ». OK. T'es beaucoup inspiré par l'atmosphère, l'univers autochtone, je pense. Ouais, ben ça fait partie de mes origines, puis ça fait aussi partie de beaucoup de Québécois, puis c'est quelque chose qu'on oublie. Puis moi, je m'amuse, ça me plaît à faire ça, puis j'espère que ça plaît aux autres, de mettre ça dans mes chansons. Je mets des mots, des fois, des chants d'une langue algonquienne quelconque, souvent c'est la Benaki. Je mets un lexique dans mes pochettes pour qu'on comprenne, mais c'est des mots qui se parlaient ici à Trois-Rivières autrefois, puis ça s'est perdu, puis j'essaie de le faire survivre un peu au travers. OK. La pièce qu'on vient d'entendre, c'était, comme on le disait tantôt, une reprise ou en tout cas une pièce revisitée un peu du folklore traditionnel québécois. Est-ce que tu en fais souvent des adaptations comme ça? Oui, j'en ai quelques-unes, oui. Okay. Mais tu composes aussi, tu fais tes propres chansons aussi. Ouais, ben je compose tout en fait. Même la dernière que vous avez entendue, j'ai juste repris le titre « Pour boire, il faut vendre » puis l'air, mais j'ai tout modifié par là. J'ai mis ça plus d'actualité. Si on dit plus le jupon de ma blonde, je l'ai vendu pour vendre, mais là on va dire « j'étais allé pourner mon vidéo, ma télé » comme je raconte dans la toune. Je m'amuse, je réinvente pas, mais j'adapte le folklore à ta façon. À ma façon. Ouais, et c'est toi qui fais plusieurs choses. Tu fais pas juste la musique, tu fais aussi ta propre promotion. Ouais, c'est ça, ouais. Tu distribues ton CD qui est disponible à Trois-Rivières à quelques endroits. Ouais, il se trouve au Archambault, à Trois-Rivières, ouais. Mm-hmm. Et tu vas être en spectacle à la galerie L'Appart au centre-ville samedi le 20 mars, donc c'est dans 2 jours. Dans 2 jours, exactement. Et ça ressemble à quoi sur scène? Ah, ben là, je combine un peu mes 2 derniers albums, Légende Mauricienne et Kidakina. Une quinzaine de chansons, puis je fais ça en duo avec le slammer David Goudreau, qui est quand même assez connu ici. Et lui, il est à Sherbrooke, mais il vient souvent à Trois-Rivières. Il est natif d'ici d'ailleurs, puis il est pas mal booké un peu partout dans le Québec, côté slam, puis il fait un peu des hip-hop au travers aussi. Très intéressant lui aussi. Tu l'écoutes du début à la fin, il est très très très intéressant. Bon, on a son CD aussi, on pourrait peut-être en jouer après, ça tombe. Je l'ai juste ici, comme ça, gars, je te passe ça subtilement comme ça, ça paraît même pas. Donc ça va être à la Galerie d'art L'Appart, qui est sur Saint-Antoine au centre-ville. Ça coûte 5$ à la porte. Les gens qui veulent en savoir plus sur toi et ce que tu fais, c'est loublan.ca, L-O-U-B-L-A-N.ca. Exact. Et on s'attend à quoi pour le futur avec toi? Qu'est-ce que tu fais après le spectacle de samedi? Ben là, je sais pas trop. J'ai toujours un petit spectacle de temps en temps ici et là, à Mauricie. Là. Je sais pas trop qu'est-ce qui s'en vient, mais c'est sûr que je vais être encore présent. Là. Tu te promènes? Tu hurles partout. Ouais. Tu laisses tes traces dans la neige. C'est assez normal de ce côté-là. Comme un loup. On n'a pas besoin de neige ces temps-ci, non. Mais je laisse mes traces dans la boîte. C'est ça, dans les restants de ce qu'il y avait en dessous de la neige, ouais. Dépendant des endroits. Un loup, ça se promène dans un environ de 100 km carrés. Fait que c'est à peu près ça, moi, ici. Ah oui? Coïncidence, là. Mais... quand même, coïncidence. Ouais. En fait, t'as peut-être choisi le nom pour ça. À la tuque des fois aussi. Belle place. Puis le son de Loublan est quand même un peu différent du hip-hop conventionnel qu'on est habitué d'entendre. Est-ce que ça clash un peu des fois avec la scène hip-hop? Est-ce que ton style est en harmonie avec le reste du son hip-hop? Que oui. Dans mes expériences personnelles, ça a toujours bien passé. C'est sûr que des fois, c'est contraste un peu. Mais tu sais, j'ai des tunes aussi. J'en ai quelques-unes sur l'album qui sont un peu plus électro, je dirais. Mais tu sais, ils gardent toujours un vibe un peu différent des autres, pareil. T'sais. J'ai beaucoup de pièces avec de l'accordéon dedans, ça c'est la majorité des pièces. Mais quand même, quand je fais des shows typiquement hip-hop, ben là je vais choisir 3-4 tunes qui sont plus... qui vont faire un peu moins contraste, mais tu sais, je me... OK, donc il y a plusieurs formules différentes de spectacle que tu peux faire. Ouais, okay. Je te dirais oui, mais tu sais, ça se ressemble quand même, là. C'est dans la même couleur. OK, parfait. Donc, pour ceux qui sont intéressés à voir ça sur scène, ben, c'est samedi qui s'en vient, c'est à l'appart. Ouais, c'est seulement 5$, on met ça pas cher, on veut faire connaître la place parce que c'est une belle salle de spectacle, le son est très bon à entendre, formule cabaret, donc, venez en grand nombre, c'est à 8h samedi. Parfait, ben, on va aller écouter une autre pièce de Loublan. Juste avant ça, si tu peux nous faire une suggestion peut-être de David de Goudreau. Moi, je mettrais positif. Positif? C'est quoi le numéro, là? Parfait, on va écouter ça, positif de David Goudreau, et on va écouter une autre petite pièce de Loublan après ça. Donc, merci beaucoup d'être passé nous voir. Ça fait bien plaisir. Merci. Bon spectacle samedi. Merci. Donc, on écoute positif de David Goudreau tout de suite à Assemblage Requis. David Goudreau, allez! Et glisse ma plume, je l'échappe, c'est une enclume. J'ai l'esprit léger comme un dirou chargé d'acier. J'ai le bonheur qui a le rhume, mais bon, m'en forcer. La vie, c'est beau comme un calinours en rut. C'est bien parti. C'est beau comme une noyée, sauver des chutes Montmorency. Nous y voici. C'est beau comme la Freedom Tower, construite sur une arnaque et sur la peur. C'est bon comme un néo-nazi zélé qui le sait pas pis qui te fouille en sueur. C'est bien comme le vœu de pauvreté qui brille dans l'or nickelé d'un Vatican touristé. Et celui de chasteté des pensionnats amérindiens. Il tombera pas enceinte, on verra rien. Oh oui, chaque ça vient, sac à papier que tout est beau et que tout va bien. Investissons des milliards dans la lutte à la drogue. Pas question qu'on s'y bute, même si en moins de 5 minutes, je peux m'acheter un once de coke à Magog. Et encore, hardcore, faut être positif. On subventionne le Nord, on a l'OGM festif. En Afrique, ils ont même pas de foire agricole ou aller stockiner le digestif. Ils ont la nature en idole, c'est vous dire si on l'empêche chétif. Et ne cherchez pas dans l'histoire, nos colonies n'ont rien à y voir. Allez hop, hop, on s'idéalise, allez hop, schnell, schnell, on se visualise, un beau gros tabarnak en ciel avec plein de belles douleurs dedans. Laisse faire les soins universels, on a mis un beau design, c'est ton argent. C'est tellement sympathique qu'on va t'en faire du spécial pour les Olympiques. Pis si tu te sens mal, y'a pas de mal, va te noyer au pub, saoule-toi dans la pub, mais oublie pas de te raser le pubis pis de te placer dans la fonction publique. Y'a rien de sale, c'est le nouvel ordre mondial, et que ça goûte donc bon le contrôle social. 100 fois par jour, on me le dit. Quel tort que c'est beau un char. Maudit que c'est funny le crédit. 1000 fois par jour, on me le prédit. Une chance que j'ai de la scène à dépenser. J'en aurais des cernes à force d'y penser. Mais entre deux désintox, entre deux haines dévoilées, entre deux petites shots de botox, je pourrais m'envoler, voyager, comment engager sur une belle mine bien personnelle déposée sur mes intentions dans un pays occupé. Nous occuper, c'est ça l'important. L'agenda caché de l'OMC et de l'OTAN. Qu'on pense qu'on a nos nombrils pis nos petits culs en regardant passer la mascarade de l'ONU. Hey, wow! Positif! Il n'y a de beau que nous, mais nous, nous sommes beaux! Regarde les beaux pixels sur ma belle photo, live d'un glissade du McDo. Mec, donne-toi une chance, embarque dans la danse. Un push-push d'accès, c'est la transe. Toutes les totounes s'y frottent et ça bouge. Mais le code rouge aura sa cote si ta parano se relâche. L'âge des ténèbres sur le peuple et sur la plèbe à pleine dans nos manches. Mais réagis pas, fais le mort, t'as un beau steak de l'Ouest, faudrait pas qu'il se gâche. Tout est beau, tout va bien. Je suis positif. Je suis rentré dans ton système et j'y suis séropositif. Merci. Donc, c'était David Goudreau qu'on vient d'entendre avec la pièce Positif. C'est un slammer, David Goudreau. Et on va tout de suite entendre une autre pièce de Lou Blanc. Mais juste avant, je vais vous dire que si ça vous intéresse d'aller voir le spectacle qui est samedi à l'Appart, on a deux billets à vous donner tout de suite pour le spectacle de Lou Blanc et David Goudreau. Donc, vous nous appelez tout de suite ici au 819-376-5183. On a une paire de billets à vous donner pour aller voir Lou Blanc et David Goudreau. Et on écoute tout de suite Métis de la nuit des temps de Lou Blanc. Jamais ne pognait le nerf, il était fier de ce qu'il était, il n'enviait personne. Fils d'un trappeur et d'une mère à la santé, phare guérissait tout par ses flammes qu'elle cueillait à l'orée du bois. Sa voyenne, ça se pareil, you baby, la tisane de sel ou des bois petites, Maurice de l'autre boulot. C'était ça son boulot, en plus de lui enseigner une école de la vie, assis sur une souche. Petit enfant, brandissant, tissant sa toile, dès le 8 bac, courant les champs, grimpant les flancs, criant son nom dans les côtes des vents. À Micmac, ça sonne comme de Wabi, pas de ça. Jack Amici, nous, petite cabane au bord de lac au gré des saisons. Il savait sourire à chaque occasion, en kayak ou toboggan. Moi j'ai castor, moi j'ai orignal, la vie sauvage. Il n'avait rien vu à part, mais ne pouvait demander mieux. Rien à reprocher à son Dieu, les grands mystères de la vie. Chiniwaske, ici tout est possible, être heureux même dans la misère. Car le matin, le combat, le mal. Car le matin, le combat, le mal. Métis de la nuit des temps, palais des différents. L'instinct du mal et du bien, on tue pas pour rien. Pas d'aiguille sur l'horloge, il se lève qu'à part la nuit. Et avant que par soleil, il accomplit le boulot qui le nourrit. Métis de la nuit, des temps, pareil mais différent. L'instinct du mal et du bien, on tue pas pour rien. Pas d'aiguille sur l'horloge, il se lève qu'à part la nuit. Et avant que par soleil, il accomplit le boulot qui le nourrit. Par une nuit sombre, sous la gouverne du roi, des hommes sont venus cadastrer l'endroit. Désormais désigné, tas de la couronne. Ils ont chassé les occupants, natifs de la nuit, le temps. Brûlant le village, rayant de la map, un héritage. Le grand chef contestant, mais les nomades furent loin déjà. Partis dans les bois, en remontant la Madawas. Quand la vengeance est douce dans le cœur d'un indien, dans le silence se dissout, mais à la surface revint. Il se souvient avec un sentiment nostalgique. Il y serait demeuré, mais à la suite d'une transition sur l'échelle chronologique, le temps avait accéléré d'une trotte. L'individu concerné n'eut pas absorbé le choc. Ami de la bouteille, se réveille souvent de ses rêves, en croyant chaque fois renaître, penser à autre chose. Mais la misère l'empêche de découvrir le poteau rose. Comme un problème mathématique qu'on lui impose, tant de questions se posent. Ne s'identifiant à la masse, vouloir trouver sa liberté, trouver sa trace dans la neige ou sur la terre fraîche. Identité perturbée, l'esprit coincé dans un manège. Tout passe vite et le mal de bloc l'empêche de bien comprendre le stratagème. La haine l'habite et les sortilages le traînent chaque fois qu'il tente de fuir. Métis de la nuit, les temps paraît mais différent. L'instinct du mal et du bien, on tue pas pour rien. Pas d'aiguille sur l'horloge, il se lève qu'à part la nuit. Et avant que par soleil, il accomplit le boulot qui le nourrit. Métis de la nuit, les temps paraît mais différent. L'instinct du mal et du bien, on tue pas pour rien. Pas d'aiguille sur l'horloge, il se lève qu'à part la nuit. Et avant que par soleil, il accomplit le boulot qui le nourrit. Rien ne fera de moi un instant. l'islam s'exclama-t-il. J'ai entendu un aigle qui volait haut dans les airs dire d'une voix forte, suis-moi, je te mènerai sur le droit chemin. Regarde-toi, tu as deux mains, tu as la force. Serre-toi-en, il y a de l'ouvrage qui t'attend. Quelque part, ne laisse personne te transpercer l'écorce. Telle une tortue, tu avanceras au rythme de ton cœur. Laisse le lièvre passer devant, car il n'a pas les mêmes valeurs, les mêmes priorités. Les minorités, tu sois les porte-gains. Tu as de quoi en être fier. Pareil mais différent, la même couleur de sang. Mais tu as appris à vivre en harmonie. Chez vous, la corneille était ton ami. Si on la tire à coups de fusil et la laisse pourrir sur le bitume, comme ça n'avait pas mérité la vie. Tu sais, toi, t'es tous vivants sur cette parcelle. Le tard flottant dans l'univers a le droit d'avoir sa chance de grandir et s'épanouir. Et c'est pareil pour l'homme. Personne ne doit l'écraser ou le réduire à l'esclavage. L'homme n'appartient à personne. Et c'est pareil pour la femme. Elle la traite jamais comme un objet. Un homme sait se tenir debout, user de sa force pour nourrir ses petits. T'es le loup fidèle à sa famille, à son clan. Sois patient et sois plaisant avec tes ressemblants. Ils le seront autant. L'âge que tu tiens, présente-moi dans tes mains, car cela te nuit. Tu la consommes trop souvent, le jour comme la nuit, et cela te ralentit. Ne vois-tu pas le monde qui tourne et tout ce qui se bâtit autour de toi? À quoi tu as contribué, dis-moi? Accomplis le boulot qui le nourrit. Métisse de la nuit, des temps paraît différent. L'instinct du mal et du bien, on ne tue pas pour rien. Pas d'aiguille sur l'horloge, il se lève qu'à part la nuit. Y a vague que par soleil, il accomplit le boulot qui le nourrit. He's in the best, I walk to me gezo. I was awake, if it wait a baziak. He does it, it's the way, but it get la lomo wagon. When's away, hey, I meet low a day. Sasa, get away, who will they? Daga kimoti, holo, my world, I walk. The best I walked in my gezo. I was awake, if it wait a baziak. He now zigging, spin with me, get la lomo wagon. Wins away, hey, na bit lo waze. Sasa, get away, who will they? Naga kimote, holo, my world, I'm wagon. Métis de la nuit des temps par Lou Blanc à Assemblage Rocky. Et on vous rappelle que le spectacle est samedi à l'Appart, à la Galerie d'Art L'Appart, au 45 rue Saint-Antoine, au centre-ville de Trois-Rivières. Tu connais ça par cœur, toi? Seulement 5$ pour deux artistes, ça vaut la peine. Allez-y donc. C'est une belle place en plus. Et c'est ce qui termine la première heure de l'émission ici à Assemblage Rocky. Ben la bonne nouvelle, c'est qu'il y en a une deuxième. Alors, on va voir Stéphanie Gagné avec sa chronique Ton plat favori et ses coups de cœur artistiques et culturels de la semaine. On va aussi avoir Vidon Ladon la question. Toute nouvelle capsule inédite et la chronique s'est au fait avec des choses véritables, semi-vérifiables, semi-vraies. La plupart du temps. Souvent très douteux. On sait pas trop finalement. Reste là, c'est dans quelques minutes à Assemblage Rocky. Deuxième heure d'Assemblage Rocky, l'émission du retour en pièces détachées, l'émission où on fournit les outils, donc pas de stress, le tournevis est là dans l'étui à côté de l'établi, donc servez-vous. Dans la deuxième heure, on va recevoir Stéphanie, évidemment Gagné, avec sa chronique Ton plat favori qui va nous garnir, comment? Excuse-moi Mathieu. Non, j'avais l'impression qu'il fallait que je crie ici, je sais pas oui, pourquoi. C'était le cas. C'était le cas, hein? Voilà. C'est ma faute. Donc, je suis en train de dire que les outils étaient fournis. C'était comme un genre de petit jeu de mots sur le fait que ça sort à Blage Rocky. C'est comme s'il y avait des meubles à faire. C'est cœurant. C'est jamais vu, finalement. Stéphanie Gagné va être là avec sa chronique, ton plat favori. Elle va nous partager. Elle va nous ouvrir grand le pot par le coin. Avec la latte. Il y a comme un petit onglet, genre sur le coin du plat. Mm-hmm. Alors, on va l'ouvrir. Puis on va. Non, rien. Bourrer à la face. Oui, on va se bourrer à la face, en effet. C'est important toujours sentir un peu avant, voir si c'est pas... Ouais. Si c'est encore bon. C'est ça que ça veut dire? Sans te dire que c'est pourri, ça. On s'en est en musique tout de suite avec un peu de Bat for Lashes et la pièce Glass à Assemblage Rocky. Mode Bat for Lashes. Mode Bat. And go about the city. To C'était Bad for Lashes avec la pièce Glace à Assemblage Rocky. À Glace Assemblage Rocky. Glace Assemblage Rocky. Oui. C'est vrai, tu m'as fait ce succulent jeu de mots, vraiment très hilarant pendant la pièce. Mais on m'était dit, il faudrait vraiment que j'essaie de l'oublier. Uh-huh. J'avais réussi, mais non, tu me l'as rappelé juste au mauvais moment. En fait, je t'ai fait plein d'autres jeux de mots pendant, pendant la pièce musicale, mais je ne les ai pas pris en note, fait que je ne peux pas répéter. Ouais, t'es en feu aujourd'hui. Ouais. Hein. T'en as même fait avec Lou Blanc qui était ici tantôt. Qu'est-ce que j'ai dit, non? Je ne me souviens pas, mais. Je sais pas. Qui marquait son territoire, non? Ouais, ouais. Sûrement pas. Ça a été déplacé, je pense. Tu parlais de loup, là. C'était, ouais. Ouais. C'était dans tes cordes. Ça devait être très, très bon, j'en suis sûr. Sais-tu ce qui est bon? Quoi? Dans la vie, juste en général, comme ça. C'est des faits qui sont vrais, qui sont vérifiables et véritables la plupart du temps avec une petite étoile pour dire on n'est pas sûr des fois. C'est la collègue, c'est un fait. Ouais. Donc, allons-y avec quelques faits intéressants qui vont intéresser bien des gens, j'en suis sûr. Le record mondial pour la durée de temps passé sans dormir est de 264 heures. Ça a été établi par un jeune homme de 17 ans, ou en tout cas une personne de 17 ans. Ça faisait partie d'une étude en 1964. Donc, 264 heures passées sans dormir, une à la suite de l'autre. Wow. Est-ce qu'on sait s'il avait pris des substances illicites? Ah, ça, non, ça le dit pas. Juste du café, sûrement? Peut-être. C'est ce qu'il disait. Je sais pas s'il y avait du Red Bull en 1964. Ouais, je sais pas, hein? Sûrement pas. Savais-tu que le costume de lion dans le film Le Machin d'Oz était fabriqué à partir de vrais lions? C'est vrai. Vrai? Ouais. Le costume du lion, comment t'appelles ça le personnage du lion? Quelque chose de cœur, là. Le cœur, je sais pas. Alors, c'est une idée. Bref, dans le film Machin d'Oz, là, était fabriqué à partir de deux vrais peaux de lion et ça pesait environ 50 livres. Pour s'assurer que l'acteur ne suffoque pas, les lumières du studio devaient être fermées et les portes du plateau devaient être ouvertes pour faire entrer l'air frais à chaque demi-heure pendant qu'il était sur le plateau. On dit que c'était comme travailler à l'intérieur d'un matelas, travailler dans cet habit de loup dans le Machin d'Oz. Parlant d'animaux, tiens, plusieurs espèces de poissons peuvent changer de sexe, de genre, pendant leur vie. D'autres poissons ont les deux attributs, les organes masculines et féminines. Donc ça, c'est les poissons qui peuvent changer de sexe. Sujet complètement différent ici, 7,5 millions de cure-dents peuvent être créés à partir d'une seule une corde de bois. Comment on appelle ça, une corde de bois? Une corde de bois. C'est une corde de bois, c'est comme une genre de lignée de bûche. Ouais, mais c'est une quantité. Une corde, c'est vraiment une unité de mesure. Ah, comme un mètre, là, c'est précis, ça? Ouais, ouais, c'est vraiment un volume particulier. Là. C'est, je sais pas exactement c'est quoi. C'est comme une verge de bois, par exemple. C'est, là, ça. C'est un volume particulier. Une corde, c'est ça se calcule, là, une corde. C'est comme 4 pieds par 8 pieds par 16 pouces, quelque Mettons. Chose en même. Là. Environ. Restons dans le domaine des cure-dents. Le cure-dent est l'objet sur lequel le plus de gens... l'objet avec lequel... D'accord. L'objet le plus répandu là, sur lequel on s'étouffe, pour les Américains du moins. Depuis 1900, 17 000 personnes sont supposément décédées à cause d'un cure-dent, toi. La source, aucune idée, mais quand même, depuis 1900, 17 000 personnes sont mortes. Il faut quand même avoir une certaine coordination motrice là, pour gérer le cure-dent dans ses activités quotidiennes. Là. C'est ça. Pas tout le monde qui a ça, là. Non. On n'est pas avec ça, ça se travaille, là. C'est ça, c'est pas inné, c'est le contrat d'inné, là. C'est pas inné. Dans l'état de la Géorgie, tous les objets sexuels, les sex toys, comme on les appelle, sont illégaux. C'est vrai. Par contre, les magasins peuvent survivre à la prosecution, à la poursuite, si on veut, s'ils peuvent prouver que leurs produits sont pour utilisation pour le plaisir seulement. Par contre, en Géorgie, un physicien pourrait prescrire l'utilisation d'un jouet sexuel. Attends un peu, si on prouve que c'est pour le plaisir, c'est correct, mais là, c'est quoi d'abord qui est illégal? Qu'est-ce que les gens font avec ça qui est pas correct? C'est ça. Donc, t'as pas le droit, par exemple, d'avoir un dildo si tu t'en sers pour attendrir ta viande. Ça serait pas légal. Ou si tu t'en sers pour déneiger ton entrée, là, ça marche pas. Ouais, c'est ça. C'est ridicule. Mais moi aussi, je trouve ça ridicule, en effet. Ouais. C'est ça qu'on veut dire par des fois, il y a une petite étoile à côté. Ça dit ici, dans l'article original sur mgfacts.org, ça dit que c'est « for novelty use only ». S'ils peuvent prouver que leurs sex toys sont pour « novelty use only ». « Novelty », par définition, c'est la qualité d'être « novel », nouveau, une certaine nouveauté, quelque chose de nouveau et d'inhabituel, une innovation ou un petit article produit en masse, tel qu'un jouet ou un petit gugus, comme on dirait. Novelty. Je sais pas comment tu pourrais, dans le fond, te faire poursuivre et vraiment avoir une sentence pour quelque chose si c'est pas une novelty. Ça, c'est dans quel état? En Géorgie. Donc, le plus simple, Mathieu, c'est quand tu rentres en Géorgie, amène pas ton kit là, avec tes jouets. C'est ça. Ou si t'es fan de jouets, va pas en Géorgie du tout. C'est ça. Laisse ça chez vous. C'est ça. Le poids combiné de toutes les fourmis du monde est environ le même ou sinon même plus que le poids combiné de tous les êtres humains sur Terre. Donc, le poids de toutes les fourmis dans le monde est égal ou plus grand que le poids des humains sur Terre. C'est incroyable. Incroyable. En moyenne, il y a 178 graines de sésame sur un Big Mac, sur le pain de Big Mac. 178. Portland, en Oregon, a décidé le nom de sa ville en faisant un pile ou face. Et ça a gagné Portland. Ça aurait pu être Boston, Oregon. Mais c'était quand même une autre ville. C'est quoi, les autres, ils ont regardé la côte est américaine. Ils ont choisi les villes, les plus beaux noms dans la côte est. Ils ont dit, bon, faut en copier un. C'est soit Portland ou Boston. C'est vraiment pas original. En plus, ils décident ça sur un flip. Wow. Je sais pas s'il y avait une application iPhone dans ce temps-là pour peut-être... quand t'as pas de pièce de monnaie, c'est... Mais par contre, Portland, en Oregon, c'est une ville vraiment très verte, hein, savais-tu? Ah oui? Oui. Ah. Ouais, j'ai vu ça dans une émission qui s'appelait « Les artisans du rebut global » à Télé-Québec. Cool. Un beau reportage sur Portland. Mm-hmm. Excuse-moi, tu peux continuer. Non, c'est intéressant, je continue. On estime que le nombre de M&M vendus à chaque jour aux États-Unis est de 200 millions. 200 millions, 200 millions par de jour. M&M par jour. Aux États-Unis. Seulement aux États-Unis, pas partout dans le monde. Puis avec tout ça, les fourmis sont encore plus pesantes que les humains. Et que les M&M, sûrement, on sait pas. Ça, on n'a pas de preuves, par contre. Et pour terminer, il y a plus de voitures à Los Angeles que de gens. Pour vrai? Pour vrai, plus de voitures à Los Angeles que de personnes. Mais il n'y a pas genre 15 millions de personnes à Los Angeles? Bon, 15 millions de voitures. C'est ce que le fait dit. On sait pas si c'est vrai. Ouais. Mais c'est ce que ça dit. Ouais. OMG Facts, hein, c'est la source. Twitter.com/OMG Facts pour plus d'informations. Le lien est sur assemblagerequis.com. Voilà. Donc, vous en savez plus. C'est essentiel. Je sais pas. Ouais, même je trouve ça tellement douteux. Là. Moi aussi. Une chance que tu cites la source. Bah oui. Source bidon, mais source quand même. Ouais, c'est ça. C'est juste un gars dans son sous-sol chez sa mère. Ma source, c'est l'Internet. Là, fait que vous regarderez là-dessus si vous êtes pas content. C'est vrai que tu allais sur Google, taper Interesting Fact. Donc, voilà pour C'est un fait. Dans quelques minutes, on va aller écouter, parce que hey, le temps avance quand même. Hein. Le temps file. On va aller écouter les gars de Vidon Adon la question dans quelques minutes, mais juste avant ça, on va écouter un peu de Bernard Adamus. Qu'est-ce que t'en dis? Non, dis-moi-le pas. Non. Je me retiens. Voilà. On écoute la question à 100$ de Bernard Adamus. C'est assemblage requis. C'est bien tranquille, il se menace soi, du Claude à tank, du rouge pendant que je bois du noir. C'est la démence vasculaire, t'es fouéré des sauts, fond ça comme des vieilles sacoches, du Claude en a bien pour l'enfer du dollar, les 30 cents de fond de poche. Pas de lumière sur le sentier, pas de flamme au bout de ta torche. La question est proche, mais la réponse est pareille. Hey, c'est moi qui hallucine, ou ben c'est le fond de bouteille. Du Claude appogne le téléphone, puis à la bête son homme. A dit c'est mon voisin que je t'aime, j'ai pas une maudite scène. L'hiver va être long cette année, je suis cassé, ben raide. Cherche tout bas du côté du mousse et un peu de blé. De pain blanc tant qu'il fume de la feuille. Il cherche une guigue de fin de mois. Arrondir, qu'est-ce qu'il y a pour l'autre bord de la fenêtre? C'est la tempête qui arrive que le flot font la fête. Il y a des rêves en boucan, puis des remords de bonnes femmes. S'accroche des 30 trop tôt, la musique perd de son charme. La question est proche, mais la réponse est pareille. Tu cherches de quoi imager, qu'est-ce que tu vas te mettre dans les oreilles? Trentaine d'années dans le corps, avec un disco sur le dos. On s'entend tous pas le Père Noël, tu vois sortir du métro. L'hiver va être long cette année, il est cassé, ben reste. Il cherche tout bas du côté, tu te mousques un peu de blé. Mais pauvre de même, moi je sais pas faire grand chose à part chanter des rengaines pis dire aux filles que je les aime. C'est une saison slush de bouette, de gadou pis de fret. Une chance j'ai ma bonne femme pour s'élever avec. Elle a des beaux bras de ciel, solides comme le fer. The girl that I love got long black curly hair. Sa linge rap aujourd'hui, j'ai cœur et chanter comme hier. C'est crétin de même, mais ton sourire me rend fier. La question approche, est-ce que la réponse s'en vient? Ton odeur à maison, vas-tu être là demain? J'suis à quatre pattes de la cuisine en train de shiner le carrelage. Des jardins dans le tapis, c'est qui la femme de ménage? Péter les dents sur mes vieux rêves d'enfant, c'est qui sacrement que gris vive le vent. Fais-moi faire un matin, coin Berville Rosemont. Y'a la job qui m'appelle pour t'accorder ta maison. Ça n'est que soleil brille, ces plages de maté. La bière coule à flot dans les ports de CV. J'suis comme un enfant fou qui compte ses billes. Et regarde, j'suis comme un malade dans un allée de cueil. La question approche, elle me bourdonne des oreilles. Si je veux du miel, faut vraiment je fasse comme l'abeille. Là, c'est soir de chaud, toutes les verres débordent. Des 5 piastres à la porte pour le gars classico. Que tu l'écoutes au moins une bonne trentaine de fois l'autre, j'imagine. Bernard Adamus avec la pièce La question à 100 piastres. Il avait son tour de préliminaire au concours des Francouvertes cette semaine. Bernard Adamus s'est classé premier, comme je l'avais prédit. Ben, je n'avais pas prédit qu'il serait premier, mais bon, c'était évident qu'il se classerait pour la demi-finale. Mais il est vraiment au top du classement préliminaire présentement. On va t'appeler Mystique Madame Kiki. Exactement. C'est ça. C'est mon surnom, en fait, dans mes temps libres. Oui, oui. Mm-hmm. Ouais. Hey, tu dis quoi? Non? Est-ce que tu sais quoi? Ben oui, je vais deviner avec mes talents de devin. De devin de Mystique Madame Kiki, c'est ça? Je dirais que ça doit être le temps d'aller écouter une capsule de... Raté, complètement. Vitons là dans la question. On va te créer Vidon là dans la question. Tout le monde a compris, c'est Vidon là dans la question. OK, tout le monde ensemble. 1, 2, 3. Vidons la dans la question! Yes, sir! Venez vous dans ce stage! Wow! Tout le monde est ensemble! Est-ce qu'on peut s'attendre à un slam de la part du public pendant notre tourne? Ça va-tu slammer? Pas un slam là, de récitation de texte. Là. On parle de slam de se rentrer dedans. OK, vidons la dans la question, OK? Oui, oui, oui. J'ai-tu le droit de vous poser la question même si j'ai pas le droit? Laquelle? Ben... Où c'est que vous êtes rendu là actuellement? Parce que moi, je suis un gros, gros, gros fan de vous autres. On est dans un gros void présentement, je dirais. Ouais. Un void. C'est un vortex. Un vortex, ouais. On est dans le vortex et puis on sait plus pantoute qu'est-ce qu'on est. On est en train de se thérapiser, toi et deux. Ouais, ouais, on fait de l'urinothérapie. On s'en... Yeah! Regardez, mais... j'ai plus de boutons grâce à mon urine! Yeah! Sauf que ça nous écœure un peu, fait qu'on mange bien gros des vitamines pierre à feu avant, puis ça goûte le raisin. Ouais. Yeah! Mais là, faites-nous un petit rappel vite, vite, là, de, pour le monde de C'est fou, hein? Oui. Ouais, mais là, les autres, ils se souviennent c'est de vous fou, autres. C'est fou, merci Trois-Rivières! Hey, c'est fou, on les aime tellement, là. Ah, moi, là. Monsieur Plante, merci. Si, non, mais si, là, la radio de C'est fou était une femme, là. Oh, je sais pas, demain, la soir, là. La soir, d'être là, là, tu sais. Ah oui! Ah oui! Et oui. Puis, qu'est-ce que c'est donc ta question? Non, c'est pas mal ça. Okay. T'as fait le tour. Alors, qu'est-ce que vous allez nous faire ce soir? Puis moi, je m'en vais arranger avec ça, chaud. Ben là, on va vous faire une chanson pour vous faire lever de votre cul. Pour ceux que c'est pas encore... Hein? C'est ça? Ben oui, c'est ça. Ben oui, c'est ça. Ça va être une chanson à répondre avec des gestes. Hein? Alors, c'est en fait, c'est une chanson interactive. Donc, à la maison, vous... vous suivez nos gestes à la radio. Ils vont le savoir, c'est quoi nos gestes. Je sais pas comment ça marche. Vraiment l'énergie du radio. Oui, alors là, le but, c'est que vous vous leviez toutes puis que vous faites les mêmes gestes que nous autres. Hein? Parce que là, on est où, là? On est à Montréal, mais on est partout au travers le Québec. Et le Québec, oui. C'est quoi? C'est une identité? C'est comme... Le Québec, c'est quoi? L'onde. Le Québec, c'est le folklore, c'est les soirées traditionnelles. Et nous, on veut maintenir cette tradition-là en vous faisant une chanson à répondre. Oui, et une chanson à répondre qui a été testée sur des autistes. Et oui. Non, c'est vrai. C'est vrai, oui. Ça a été inventé pour des autistes, et les autistes aimaient beaucoup ça. Oui. Donc, on se dit que sur vous autres, ça devrait marcher aussi. Oui! Ouais! Alors, Mathieu va prendre une gorgée. Et ensuite, on va enchaîner avec J'ai une tante du Québec qui s'appelle Jacqueline. Hein? Alors, tout le monde. Attends, juste vous taire qu'on entende ma gorgée dans la radio. Ta gorge? Ah, merci. Ah, OK. On l'a pas entendu. La bière est bonne au chaos, tabarnak! Bien sûr! Alors, okay. Alors, tout le monde, vous faites les gestes en même temps que nous. La micro de Bromont. La bière est bonne à la micro de Bromont! Puis en plus, ça se prononce le fun. C'est de la orgue! La orgue dans la micro de Bromont! Bon, okay. Alors, j'ai une tante du Québec qui s'appelle Jacqueline. Tout le monde ensemble. OK, donc on tape des mains. OK, pas pire ça. C'est un bon vide, ça. 3, 4, 1, 2, 3. J'ai une tante du Québec qui s'appelle Jacqueline. J'ai une tante du Québec qui s'appelle Jacqueline. J'ai une tante du Québec, j'ai une tante du Québec, j'ai une tante du Québec qui s'appelle Jacqueline. Elle arrive à la cabane en carriole, schling, schling, Jacqueline. Elle arrive à la cabane en carriole, schling, schling, Jacqueline. Elle arrive à la cabane, elle arrive à la cabane, elle arrive à la cabane en carriole, schling, schling, Jacqueline. Elle ouvrait la porte de la cabane à sucre, chi-hi-hi, schling, schling, Jacqueline. Elle ouvrait la porte de la cabane à sucre, chi-hi-hi, schling, schling, Jacqueline. Elle ouvre la porte de la cabane, elle ouvre la porte de la cabane, elle ouvrait la porte de la cabane à sucre, chi-hi-hi, schling, schling, Jacqueline. Attends, là, ça va bien, on va la faire plus vite. Ça va bien, on la fait plus vite, on augmente le BPM. OK. Elle enlevait ses bottes de poil dans le portique. Floc, floc, floc, floc. Hi, hi, hi. Schling, schling, Jacqueline. Elle enlevait ses bottes de poil dans le portique. Floc, floc, floc, floc. Hi, hi, hi. Schling, schling, Jacqueline. Elle enlevait ses bottes de poil. Elle enlevait ses bottes de poil. Elle enlevait ses bottes de poil dans le portique. Floc, floc, floc, floc. Hi, hi, hi. Schling, schling, Jacqueline. Elle enlevait sa canaillonne, elle avait chaud. Oh, oh. Floc, floc, floc, floc, hi, hi, hi, schling, schling, Jacqueline. Elle enlevait sa canaillonne, elle avait chaud. Oh, oh, floc, floc, floc, floc, hi, hi, hi, schling, schling, Jacqueline. Elle enlevait sa canaillonne, elle enlevait sa canaillonne, elle enlevait sa canaillonne, elle avait chaud. Oh, oh, floc, floc, floc, floc, hi, hi, hi, schling, schling, Jacqueline. Plus vite, plus vite. Elle mangeait sa soupe au poivre sans du prix. Schling, schling, oh. Floc, floc, floc, floc, hi, hi, hi, schling, schling, Jacqueline, on est... Elle m'a laissé la soupe au poivre, vendu du put. Faut qu'on prenne ça, attends, tu peux, OK. 3, 4, 3, 4, 3, 4. Elle mangeait sa soupe au poivre, vendu du prix. Chloum, chloum, oh, oh. Floc, floc, floc, floc, hi, hi, hi, schling, schling, Jacqueline. Elle mangeait sa soupe au poivre, vendu du prix. Chloum, chloum, oh, oh. Floc, floc, floc, floc, hi, hi, hi, schling, schling, Jacqueline. Elle mangeait sa soupe au poivre, elle mangeait sa soupe au poivre, elle mangeait sa soupe au poivre, sans du bruit. Chloum, chloum, oh, oh. Floc, floc, floc, floc, hi, hi, hi, schling, schling, Jacqueline. Elle tricotait sa petite laine devant le feu. Tri, tri, tri, tri, tri, tri, chloum, chloum, oh, oh. Floc, floc, floc, floc, hi, hi, hi, schling, schling, Jacqueline. Elle tricotait sa petite laine devant le feu. Tri, tri, tri, tri, tri, tri, chloum, chloum, oh, oh. Floc, floc, floc, floc, hi, hi, hi, schling, schling, Jacqueline. Elle tricotait sa petite laine, elle tricotait sa petite laine, elle tricotait sa petite laine devant le feu. Tric, tric, tric, tric, schloum, schloum, oh, oh. Floc, floc, floc, floc, hi, hi, hi, schling, schling, Jacqueline. Elle met son dentier dans le verre de Polydent. Clac, clac, clac, flouche, tric, tric, tric, tric, tric, tric, schloum, schloum, oh. Oh, floc, floc, floc, floc, hi, hi, hi, schling, schling, Jacqueline. Elle met son dentier dans le verre de Polydent. Floc, floc, floc, floc, hi, hi, hi, schling, schling, Jacqueline. Elle met son dentier dans le verre, elle met son dentier dans le verre, elle met son dentier dans le verre de Polydent. Floc, floc, floc, floc, hi, hi, hi, schling, schling, Jacqueline. Floc, floc, floc, floc, hi, hi, cling, cling, genre, cling. Elle s'est crassée dans le divan, t'es fatiguée. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Flanque, flanque, flanque, flanque, hi, hi, hi, schlinge, schlinge, jacqueline, elle s'est croisée dans le dimanche, t'es fatigué, ah, ah, ah, lou, clac, clac, clac, louche, tri, tri, tri, tri, tri, tri, schlume, schlume, ah, ah, flanque, flanque, flanque, elle vous suivez tout le monde, ouais, schlinge, schlinge, jacqueline, elle s'est croisée dans le divan, elle s'est croisée dans le divan, elle s'est croisée dans le divan, elle est fatiguée. Attends, tout le monde ensemble! Oh! Oh! Oh! Plouf! Clac, clac, clac! Plouf! Tric, tric, tric! Tric, tric, tric! Schlume, schlume! Oh! Oh! Floque, floque, floque, floque! Hi, hi, hi! Schlinge, schlinge, Jacqueline! Ouais! Bravo tout le monde! Vous avez été très, très bon! C'est très, très bon! Vous êtes écœurant, mais... Ah ouais, vous avez tout eu, là, tout en même temps! Je suis sûr que les vibes de vos moves se ressentent dans le radio. Yes! Toi, dans ton char à Trois-Rivières, t'as dû triper en mot, t'as dit! OK! Tiens, sur le thème... Mon cœur va vite, y'a-tu quelqu'un qui a un petit peu d'héroïne dans le char? Y'a qu'une petite touche de rien! Oh! Le... Ben, l'ami imagivère, d'où est-ce qu'il y en a? T'es du capable, toi? T'es capable, pour moi, il en a pas pris parce qu'il était énervant à tabarnouche. All right! Hey, my God! Oh my God! Rock on, yeah! Et je pense que la open la mère à Franck, la mère à... c'est. Et mon doux! Je le mets-tu vraiment en dessous de ma langue? Pas pour moi, non. J'ai un enfant à la maison. Non, oh. Je peux pas faire ça, faut que je chauffe, t'sais. Pour moi, c'est des hormones, fait que je vais le prendre. Ok, t'es courageux, man! Ok! Ok! T'es-tu game, toi? Moi, si je suis game, moi, je suis game. Ben, ok, si t'es game, je suis game. Je vais arracher la petite pilule de. Pas grave, l'effet il est là pareil, là, je sens plus ma face. Bon. Ok. Tu sens que t'es con. T'as une face! Ben là, non, je sens plus ma face, fait que s'il veut, le lutteur peut venir me verger dessus tant qu'il veut. Ou te frencher de force, tu sais. Ok. Me faire frencher de force par le lutteur. Pense bien que. La mère à Franck va te frencher de force. Ben oui, ben oui. Okay. En tout cas, le stress va s'en aller, c'est faisable. Bon, alors, je ne sais pas si vous avez écouté la radio étudiante cet été, mais il y a eu un hit sur les ondes du CISM 89.3 FM. Ça s'appelait « Tout le monde aime Xavier Dolan ». Parce que tout le monde aime Xavier Dolan. Si vous n'aimez pas Xavier Dolan, c'est que vous n'êtes pas du monde. Non, c'est ça. C'est ça qu'on a cherché à dire dans tout. En fait, il n'y avait pas vraiment de message. Non, sauf de rire de Xavier Dolan, parce que dans son nom, il y a le mot « dol » et le mot « lent ». Fait que c'est pas mal ça, l'idée. C'est pas mal l'idée. Puis, on se demandait, faut-tu dire Dolan, Dolan, on n'est pas sûr. Fait que c'est ces grandes questions existentielles qui nous ont... Non, c'est une tourne électro qu'on va vous faire à capella ce soir. Ça passe, c'est n'importe quoi. Et Mathieu connaît les paroles, mais pas moi. Donc... Ouais. Puis on vous la fera pas, peut-être pas à 200 BPM comme était. Là, non, alors, là, ça va être un peu plus lent. Tu sais, la petite pilule que la mère de ma tante Franck m'a donnée, mais je vois une coupe de bonhomme sourire dans les spots. Ah, okay. OK, bon, alors, Mathieu, tu me passes ça, puis je te suis, là. OK, fait que là, ça va comme suit. Farin, darin, darin, darin, darin, darin, darin, darin, darin, darin, darin, Xavier Dolan, Xavier Dolan, tout le monde aime Xavier Dolan, Xavier Dolan, Xavier Dolan, Dolan, Dolan, Dolan, Dolan, Xavier Dolan, sur grand écran, Wacken, Xavier Dolan, à TV, Xavier Dolan, sur Cyberpunk, Xavier Dolan, partout, partout, Xavier Dolan, tout le monde aime Xavier Dolan, il est tellement mirobolant, Xavier Dolan, Xavier Dolan, oui, tout le monde aime Xavier. Oui, tout le monde aime Xavier Dolan. C'est un vrai amour ambulant, ce Xavier Dolan. Xavier Dolan, la la la la, comme disent les petits enfants. Xavier Dolan, il ressemble à un adolescent. Tout le monde aime Xavier Dolan. Xavier Dolan, Xavier Dolan. C'est toujours Donna Donna avec Xavier Dolan. Xavier Donny Donna, Dolan, Xavier Donny Donna. Oui, Xavier Dolan. Xavier Dolan. Xavier Dolan dedans son nom. Y'a le mot Dol pis le mot là. Mais y'est pas Dol, mais y'est pas là. Non, non, Xavier Dolan. Denis Filion, trop haut. Tripé sur Xavier Dolan. Même s'il porte pas de petit collant. Quand la moule à son Dolan. T'as quelqu'un là qui refilage. Mange beaucoup de féculents. Mais y'est tout le monde friolant. Xavier Dolan, tellement talent. Oui, tout le monde aime Xavier Dolan. Pis là, ici, tantôt, y avait un solo. Xavier Dolan, pis on criait. Xavier Dolan, Xavier Dolan! Il y a Christian Charette qui parle au Xavier Dolan. Xavier Dolan, Xavier Dolan. Et là, ça continue. 2, 3, 4. Dans son film, Xavier Dolan utilisait un dolly pour faire des travelling avec Xavier Dolan sur son dolly. Oh oui, un dolly, c'est comme un roulis-roulant. Xavier Dolan, dolly-dolan, Xavier Dolly, roulis-roulant. Roulant, roulis, Xavier Dolan, dolan, roulant, roulis. Roulant, Xavier Dolly, roulant, roulis, Xavier Dolan, roulis, Xavier roulant. Roulis-roulant. Xavier Dolan. Xavier Dolan. Roulis-roulant. Xavier roulis. Roulis-roulant. Roulis dodo Xavier Dolly, dodo Dolly Xavier. On dirait Raoul du Guédard, pas qu'il t'aille droguer. Du gars Raoul Dolan, Dolan Xavier, dodo du gué. Raoul du gué, gué, gué, les Dolan Xavier, le rat du gué. Y'est-tu gué Xavier Dolan, y'est-tu la Raoul du gué. Donna, donné Raoul du gué, donné, donna la Raoul du gué. Mais que rien de rentrer, dédé forté dans le Dolan. Dans le Dolan, de du Dolan, de du dédé dans le Dolan. Gué la gué, gué dans le dédé, gué gué la la dans le Dolan. Dodo la la dans le du gué, du gué lolo dans le du glan. Gué lolo, gué les gars, go go les gars. Goli go la goli go na ron na ron et du gué re gué gué la gué gué dans le gué gué gué gué la la la la la. Merci tout le monde. C'était une tentative. Tout bois, c'est tout dur! Ah. Wow! Aïe, aïe, hein? Déjà, la version qu'il avait enregistrée, là, la version studio, si on veut, de Xavier Dolan, c'était impressionnant, mais live, ouais. Ils l'ont fait live comme ça, wow! Là, on peut même comprendre les paroles dans cette version-là. C'était ma foi, c'était pénible, hein? Mais c'était très, très bon. C'est une de mes préférées, de mes capsules de vidéo en location. Je pense que tu disais que c'était ta préférée à vie, celle-là. Ouais, ma préférée. C'est dans le number one! Ouais. Top one! Peut-être expliquer un peu hein, c'était quoi le concept de ça, oui. Parce qu'on l'avait pas dit avant, mais c'était un peu spécial pour une capsule vidéo dans la question aujourd'hui. Très bon point, c'était un extrait de l'émission des Jam Débiles de ma tante Frac. En fait, l'émission enregistrée le 29 septembre 2009 avec les Tabernacle Surfers. Le lien est sur assemblagerequis.com si vous voulez écouter l'émission au complet et les différentes performances de ce Jam Débile de ma tante Frac avec deux tunes a cappella de Vidon dans la question et une petite entrevue avec eux. La semaine prochaine, une autre nouvelle capsule et pour le reste de la, j'irai jusqu'à estimer le reste de la session. Principalement tous les jeudis des nouvelles capsules de Vidéo à la question. À la semaine prochaine, deux pubs ésotériques de Vidéo à la question qu'on vous avait promis hein, et qu'on va vous donner la semaine prochaine. Et Tante Jacqueline. Tante Jacqueline. Tante Jacqueline. Tante Jacqueline. Je pense que c'est dans celle-là qu'on a entendu là. Ouais. Je pense que c'est peut-être une autre version. Okay. Puisque, en tout cas, c'est ce que. C'est, je pense pas qu'on va. On va voir. Je pense pas que je vais la remettre dedans. Donc, bref, on, ce qu'on peut. On peut se fier, disons, qu'il va y avoir. Quelconque matériel de vie dans la question. On s'en fout un peu, prochain, hein? C'est ouais, c'est ça. On se fout un peu, effectivement, de ce que tu dis à propos de la capsule de la semaine prochaine. C'est ça. On va juste se fier qu'il va en avoir une. On sait pas encore trop ce que ça va être. J'apprends pas de mes leçons, moi. C'est un peu. ne pas dire ce qui s'en vient la semaine prochaine. Ouais. Mais par contre, on peut vous dire ce qui s'en vient après la pause parce que c'est tout proche, si on peut le prévoir. Donc, c'est Fanny Gagné, c'est ça que tu veux dire? Uh-huh. Qu'on va ouvrir le plat par le coin, hein? C'est. Ouais. C'est un lock and lock, hein, son plat. Ça voudrait dire qu'il faudrait enlever comme quatre côtés, là. C'est ça? Ils sont magiques, ces plats-là, vraiment. C'est, ouais, ben c'est parce que ça peut pas renverser. Mm. Comme un thermos. Mais pas vissé. Hein. Il y a des plats que tu peux visser le couvert dessus, ça, c'est tes cœurs. Hein. Donc, dans quelques minutes, on va savoir ce qu'il y en est au juste du plat. Deuxième fois dans ma vie que je me rends jusqu'à la fin. Du thème de Vidéo. Ben, c'était un peu ça le but. Là. Je regardais le compteur puis je me disais qu'on était capable. Mettons, si j'avais rien dit, ça aurait comme été super subtil puis t'aurais comme pu passer à la pub puis ça aurait eu l'air comme super professionnel. C'est ça que tu veux dire? C'est ça. Cool. Trop tard. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. C'est fou. C'est fou. Comme un ballet. Comme un ballet. Comme un ballet. 89, 89, 89, 89, 89, 89, c'est fou de la scène émergente. Jusqu'à 17h, assemblage, Rocky, Kiwan, Mathieu, sur C'est fou, 89.1. Un coup de main, tu me donnes un coup de main, ça, en prenant le de dans ma main. Coup de main! Coup de main? Coup de main. C'est un jeu de mots poche, hein, que les gens peuvent déduire et analyser avec leur tête, qui ont un petit peu un esprit croche. Je l'ai pas compris, mais étant donné que je te connais un peu, il y avait sûrement des références pornographiques là-dedans. Sûrement. C'est ça. Ben, tu m'as donné un CD vierge, tu m'as dit que c'était des vierges, puis finalement il y a des affaires dessus, mais j'ai pas regardé ce qu'il y avait dessus parce que je vous disais, c'est pas de mes affaires. Ok, c'était des photos pornographiques. Il y avait des JPEG en tout cas. Ok. Parce que toi, je te parle de demander à ta main qu'est-ce qu'il y a dessus. Okay. Hey, c'est maintenant le moment où on change de sujet. Le moment? On change, c'est le moment où on change de sujet de façon inconfortable en accueillant Stéphanie Gagné. Je suis ton plat favori, le soir sur ton Allô, petit solo, ça attend. Toi, t'es entraînante. Ben oui, je suis bonne humeur. Ben oui. J'ai pas mis mon manteau. Regardez, j'ai pas mis mon manteau. Je mise tricoté, je dirais. Tricoté? Carotté. Elle est pas en laine, elle est carottée. Carottée, c'est, ouais. Elle est très belle. Ben oui. Je l'aime bien. Mm-hmm. Fait à la main. Oui. Pas, non. Non. Ah, c'est encore une blague de main. Ouais, de... je pourrais arrêter ça, mais ça me divertit. Ouais. Il y a juste lui que ça le divertit, je pense. C'est ça. Ben moi et le public d'Assemblage Requis, on est tight et les gens connaissent mon humour. Donc, bonjour Stéphanie. Donc, bonjour Mathieu. Ça va? Oui, toi? Oui, c'est ta chronique, ton plat favori. Donc, tu nous présentes tes coups de cœur de la semaine. Oui, oui, ben dans mes coups de cœur, je peux aussi vous jaser un peu des Mardis de la Relève cette semaine. T'es juge là-bas, toi? Oui, cette semaine, c'était punk rock. C'était trois groupes punk rock. Et le groupe qui a gagné, c'est Another Fallen Hero. Un groupe, sont plus jeunes que moi. Ça la donne que c'est drôlement, c'est des amis à ma gérante. Mais, t'as une gérante? Oui, j'ai une gérante. Pour gérer ta carrière? C'est malade. Non! À mon emploi, nul. Mais, hey, ben, bonjour à ta gérante. Ouais. Alors, c'est ça. C'est, ils sont assez jeunes, mais ils sont très, très bons. À ce qui paraît, ils étaient très connus aux estacades. Il y avait un fan club épouvantable. Le bar était plein, plein, plein. Et le monde connaissait les paroles, là. C'était vraiment cool. Ils ont été à Band 2.0. À ce que j'ai entendu parler. Ah, à Télé-Cogeco? Oui. Mm-hmm. Je les ai pas vus, mais c'était bien bon. Bien bon. La semaine prochaine aussi, je pense que c'est punk rock, si je me trompe pas. Faudrait regarder dans le voir que j'ai caché. Tu sais qu'il y a une pub à l'envers du Zone Campus aussi, là. Parce que le voir, c'est bien beau, là. Mais vous avez pas de Zone j'ai Campus. J'ai pas sorti le Zone Campus. Oui, t'es assez fou, bon, Zone attends. Campus, puis il y a pas de Zone Campus. OK. Aussi. Quart de finale rock. Pas de punk rock, juste rock la semaine prochaine. Bon. Pas mal de temps. Alors voilà, c'est ça qui est ça pour les Mardis de la Relève. C'était très, très plaisant cette semaine. Je me suis vraiment amusée. Et laisse-moi deviner, la prochaine édition est mardi. Oui, hein? Trop Poppy, fort. Poppy. T'as pas eu besoin de te saouler cette semaine là, pour endurer le spectacle? Non, la semaine passée... Ben, je l'ai fait pareil, là, mais c'était pas parce que la musique était nulle. Pas mais je l'ai fait pareil. Ouais. C'est ça, pas besoin d'excuses pour faire ça. Bon, je vais enchaîner avec mes chansons. Oui. Cette semaine, j'étais vraiment excitée parce que c'est vraiment... c'est mes deux derniers albums que je me suis achetés. Puis c'était vraiment des coups de cœur, là. Je vais laisser le meilleur pour la fin parce que c'est vraiment ma chanson de la semaine que j'écoute juste ça, là. Mais je vais y aller avec un CD que j'ai acheté la semaine passée. C'est Black Rebel Motorcycle Club avec l'album Beat the Devil's Tattoo, leur sixième album studio. Un groupe qui existe depuis 98, un groupe de San Francisco. Des fois, j'y vais un petit peu fort, mais des fois, ça peut ressembler à du Led Zeppelin. Ça ressemble pas mal à Jesus and Mary Chain. The Verve aussi un peu. Est-ce que vous connaissez? Oui. Je pense que... C'est pas mon nom, pas mon genre de... Je connais pas ça. Pas que ça. Non? Non. Malheureusement. C'est pas vous qui m'avez dit que ça avait déjà été dans le palmarès? Seulement Black Rebel. OK, je pense que tu me demandais si je connaissais les autres artistes à qui ça ressemble. Non. Black Rebel. Motorcycle Club. Ouais. Ça, je connais. Ouais. Une pièce. Laquelle? Je me rappelle pas. Ah! Mais c'est ça, c'est la chanson que je vais vous faire jouer. C'est la chanson titre de l'album, c'est Beat the Devil's Tattoo, la première pièce sur l'album. Excellente chanson, excellent album. Ben, on l'écoute tout de suite? Ben oui. Donc on écoute ça dans le plat favori de Stéphanie Gagné à Assemblage Requis. Qu'on a ouvert par le coin, on se rappelle, là, faut tout redire qu'on a ouvert par le coin. Mmh. Ouais. Sleeping on a razor, there's nowhere left to fall. êtes toujours à ton plat favori, à l'émission Assemblage requis avec Stéphanie, Kiwan et Mathieu. On vient d'entendre Beat the Devil's Tattoo de Black Rebel Motorcycle Club. J'ai trouvé c'était quelle pièce qui était dans le palmarès dans le temps. C'était Shuffle Your Feet de l'album Owl. Je vais aller écouter, je la connais pas. Malheureusement, c'est leur sixième album studio puis je viens de les connaître. Ça, j'aime ça quand que je me rends compte que je suis en retard. Ça m'arrive tout le temps. J'apprends tout le temps, je connais tout le temps des groupes en retard de tout le monde. Je trouve ça super drôle. Des groupes d'antan. Dans le temps. Temps en temps. Temps en temps. Jeu de mots avec antan comme dans le... Comme le groupe qui était au Cambrin de Ciarso. C'est ça. Exactement. L'autre chanson, qui est ma chanson de la semaine, je vais l'entendre puis je vais avoir le sourire jusqu'aux sourcils. Je veux pas dire jusqu'aux oreilles. Parce que ses oreilles sont sur le côté de la tête, fait que c'est comme un petit peu loin. Ouais. Les sourcils sont... Ça n'a pas plus de sens. Mais bref, c'est la pièce Dominoes du groupe The Big Pink, un groupe de Londres, moi, puis les groupes anglais, je capote. Mm-hmm. C'est leur premier album. C'est électro-rock, puis ils vont être au festival Coachella. Vous connaissez, évidemment, c'est sûr. Pas du tout. C'est sûr, c'est sûr. Hey, je me suis même fait une liste pour quand ça va être, quand on va être proche. C'est dans une vingtaine de jours, je crois. Puis je me suis fait une liste à mentionner dans mon émission. Là, il y a des groupes écœurants qui vont être là. Ça me donne encore plus le goût de déménager à Los Angeles pour être un petit peu plus proche. Tu vas avoir de la place pour tes divans. Running gag sur tes divans. T'es stické sur mes divans. Non, mais t'as trois divans. Hey, j'ai signé mon bail cette semaine. Hey, mes trois divans vont rentrer dans l'appartement. Arrête-moi ça. Il y a un bain dans ma chambre. Wow. Il n'y a pas un bain dans le salon l'autre fois? Non! Ça, c'est un autre appartement? Il y avait douche pas de dans, bain le dans le salon? Non, il n'y avait pas de douche dans le salon. Lave-sécheuse? Un électroménager quelconque? Non. Non? OK. Un allée de quille, je pense. Oui. Un dallo. Un électroménager, parce qu'un bain, c'est un électroménager par chez vous. C'est... Ouais. Je pense qu'on serait mieux d'aller avec ma chanson débile et 40. T'as bien raison. Voilà. Parfait, donc on écoute ça tout de suite. Ben, raison! Domino's de The Big Pink. Puis pendant ce temps-là, Mathieu, je te passe la pochette de l'album. Tu vas pouvoir regarder de la pornographie des années 1800. C'était pas sur ton CD tantôt, ça? Je pensais que c'était ça, sur ton CD. Non, c'est celui-là. Let's go. C'était vraiment bon. Merci. Tu l'as même pas écouté. Non, mais c'est bon. Menteur. Je l'ai écouté, c'était bon. Elle est vraiment bonne, hein? Du coup, de l'oreille, c'était parfait, en tout cas. C'est vraiment super entraînant. C'est la chanson la plus entraînante de l'album. Mais les autres pièces sont vraiment bonnes, mais c'est pas dans le même genre. C'est un peu moins, moins hip-hop, là. OK. OK. C'est noté. C'est bien. Je sais pas. C'était le Big Pink. Oui, de l'album A Brief History of Love, sorti l'an passé, en 2009. Et est-ce qu'on va en réentendre du Big Pink, du Big Pink dans l'émission La Pain Bêche en mission? Une! Fixe. La paix, c'est que je me souviens jamais c'est quoi. Hein? Je prends toujours un guess puis ça tombe toujours. Je te dis. Ben oui. Je te crois pas. C'est une Pain Bêche en mission. Et oui, je vais faire jouer The Big Pink et Black Rebel Motorcycle Club. On voit que j'avais beaucoup d'inspiration cette semaine. Ben oui. Mais non, je vais vraiment faire jouer à mon émission aussi parce que c'est vraiment ce que j'ai écouté cette semaine. Mais on va aussi entendre quelque chose d'aussi de pas très original de ma part, Tegan and Sarah. Ben oui, quelle surprise! Non, mais j'en fais pas jouer si souvent que ça. Non? Non. Une fois par semaine, max. Pas plus une fois par semaine. Ça fait peut-être 4-5 chansons que je fais jouer depuis le début de mes émissions. Puis je suis rendu à 26 émissions, je pense. Fait quand même, une fois sur 5. C'est pas si mal. T'approches la trentaine? Je sais pas. 30 émissions. Bref. Ça n'a pas rapport. Mm. Alors, Tegan and Sarah, quelque chose d'un petit peu plus original que je fais pas jouer très souvent, Jean Leloup. Radiohead aussi, que je fais pas jouer souvent. Syrian Color, dont j'avais parlé il y a de ça quelques chroniques. Et ça ressemble à ça. Oui. Mara Tremblay aussi, grâce à vous deux. Plus Key One. La semaine passée. On en a écouté la semaine passée ici, ouais. Dans ta chronique. Ouais. Je vais en faire jouer dans mon émission. Qu'est-ce qu'il y a au ciel, Kiwan? Je sais pas, quelque chose qui a tombé du plafond, là, ça ressemblait à de la poussière. Arrête, ça se peut, par exemple, on passe pas le balai sur les néons. Bref, merci beaucoup, Stéphanie Gagné. Merci. À jeudi prochain. Pour ta prochaine chronique, qui est ton plat favori? Et on manque pas ton émission, qui s'en vient dans une dizaine de minutes environ, la Pain Bêche en mission. Une Pain Bêche en mission. Une Pain Bêche en mission. Et on va continuer en espagnol. Una pimbecha en mission. Elle pimbecha. Donc, on continue en musique, nous, Mathieu, tout de suite, parce qu'on veut parler un peu de la 5e édition des Feux de forêt dans le désert qui ont lieu demain soir, oui, demain, le 19 mars. C'est à la Galerie d'Art Lapart, comme à chaque mois, à chaque troisième vendredi du mois. Et ce mois-ci, il va avoir, pour la 5e édition, il va avoir J'ai le cancer, Jésus les filles et Short Pants Romance. Je ne sais pas si Silver Dapple, qui sont sur le poster, vont être là finalement. Ça se peut qu'ils ne soient pas là, mais bref. J'ai le cancer, Jésus les filles et Short Pants Romance. On va écouter tout de suite une pièce de Jésus les filles et ça va être suivi de Short Pants Romance. Mais on commence avec Jésus les filles. J'étudie. Oui, Jésus les filles. Puis on revient tantôt pour se dire bye. Assemblage rock. 150 songs, and then they asked me to sing along. I really tried, but I couldn't know. I fell asleep after an hour or so. I really tried, but I couldn't know. I really tried, but I couldn't know. Par encore les bouts d'écouteurs. Comment ça fait dur, son affaire? C'était Lady Shakespeare qu'on vient d'entendre avec. Non, c'était Short Pants Romance avec la pièce Lady Shakespeare pendant que Stéphanie est en train de détruire ses écouteurs. Ils ont l'air fins, ces écouteurs. Ils ont l'air de qualité, mais là, ils perdent des morceaux. Hein? Hey, c'est la fin de l'émission pour aujourd'hui, pour cette semaine aussi. Enfin! Pour tout le monde! Donc, je vous rappelle, avant de partir, je vous rappelle, demain, Feu de forêt dans le désert, vendredi, à la Galerie d'art L'Appart avec Gilles Cancer, Jésus les filles et Short Pants Romance. Et samedi, toujours à la Galerie L'Appart, Lou Blanc qu'on a reçu en entrevue tantôt. Si vous voulez réentendre n'importe quoi que vous avez entendu dans l'émission ici, vous allez au assemblagerequis.com ou au www.cfou.ca. Là-dessus, vous pouvez télécharger les balados de diffusion. Vous pouvez aussi retrouver les liens de l'émission sur assemblagerequis.com. Aujourd'hui, assez fou, à partir de 17h tout à l'heure, c'est Stéphanie avec ses écouteurs qui reste des morceaux, avec une pêche en mission. À 18h, c'est La Spirale, et puis à 21h, il y a Sky Punka. Si vous avez manqué un moment favori de l'émission, si on veut, il y a l'émission Le Meilleur de ses fous, c'est vendredi matin à 16h30 et samedi à 14h. Vous allez pouvoir réentendre plein de choses de nos émissions quotidiennes. Parfait, on se retrouve lundi prochain, Mathieu. La semaine prochaine, à ne pas manquer, entrevue avec Guillaume Beauregard des Vulgaires Machins ici à l'émission. Mercredi prochain. Mercredi? Voilà. Mercredi. Soyez-y. Ben, soyez là lundi à 15h, évidemment, pour Assemblage. Ben, tous les jours, là. Oui, lundi au jeudi, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Bonne fin de semaine, Mathieu. Bonne fin de semaine, Kiwan. Bye. Bye.